se fos mwen. Ou se zomi mwen. Ou se linye. Le tout bagay paget mwen. Sou chime mwen. Radio Lumière. Lundi matin, c'est le boulot. Tout recommence, le week-end est fini. Adieu le soleil. Ma cravate est mise, oublions les blue jeans. C'est lundi matin. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est lundi matin. En lisant ma Bible ce matin, dans la première lettre aux Corinthiens, j'ai trouvé quelque chose pour moi, mais comment faire aujourd'hui? Je ne suis qu'un simple petit apprenti, et ce travail me rend abruti. Sois donc, sois donc que vous mangiez, que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Sois donc, sois donc que vous mangiez. Fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, tout, tout, tout pour la gloire de Dieu. Tout, tout, tout, tout pour la gloire de Dieu. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. En lisant ma Bible ce matin, j'ai compris ce qu'était ma vie. Au service du Seigneur, peu importe ce que je fais pourvu que je regarde à lui, alors tout changera, les gens autour de moi aussi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ. Lundi matin, c'est le boulot. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis heureux. Ce que je le fais pour lui, et ça me suffit. Tout ce que j'écris, je l'écris pour lui. Tout ce que je vis pour lui. La la la la la la, c'est lundi matin. Sois donc, que vous mangiez, que vous mangiez. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, tout, tout, tout pour la gloire de Dieu. Tout, tout, tout, tout pour la gloire de Dieu. La, la, la. Fête 6 et le matin, suivent première édition journal créole Radio A, Pontas Café Show. Pontas Café Show. Tout ça qui dominait actualité nationale ou internationale, non Pontas Café Show. Pontas Café Show sur Radio Lumière 6 et le matin. Les 7h avec 3 minutes dans tout le studio Radio Lumière. C'est le moment qui est arrivé pour nous rappeler où différents points nous avons développés pour vous dans le premier paret journal Bontas Café Show pour ce maintenant. Toutes dispositions déjà prises nationale avec formation professionnelle pour bon déroulement examen baccalauréat pour année 2025 là examen ça yo a déroulé sur tout territoire national là sorti lundi pour arriver jeudi 17 juillet 2025 là selon responsable yo dans ministère éducation nationale. Je suis responsable dans ministère éducation nationale avec formation professionnelle yo annoncé tout candidat yo ta kembe dans salle examen yo ak yon téléphone. Il va tomber en bas sanction ministère et puis à la tête yo na MNFPA voyon groupinga by tout moun qui t'a impliqué dans question trafic examen yo Jean ça qu'on habitué pendant quelques années. Exiger la recevabilité par la dénonciation des actes de corruption, c'est sous thème ça. Unité lutte contre corruption lancée yon semaine formation pour plus passer en santé universitaire dans la première édition l'école était anti-corruption. La police nationale pays d'Haïti a été l'individu Philippe Etienne à Saint-Tony Exil dans le cadre d'une opération direction départementale si la grande semaine dans la commune Beaumont la date vendredi en juillet 2025 là en fait quand dit Philippe Etienne c'est une évadé potentiel prison ça n'a pas rappelé qui décide attaque nek examio la date 2 mars 2024 Asia qui était la cause majorité prisonnier t'échappé pour lui. Un mouvement politique tout neuf qui porte nom patriote haïtien engagé lancé officiellement vendredi 11 juillet 2025 là dans la commune Pétionville mouvement Sila d'après initiative visé intégrer pouvoir transition en idée pour bail coup main payo dans aider Haïti sortir la situation difficile ni trouver là. Amnesty International réagit face à la déclaration président dominicain sur politique migratoire lié à la date vendredi 12 juillet 2025 là qui sitou visé haïtien yo nan yon communiqué organisation rend public li exige premier citoyen dominicain pour mettre fin ak mezi ke li qualifié de raciste ak discriminant contre tout haïtien yo. Et puis actualité a pi loin la caille un conflit qui éclate des bédouins ak combattants locaux dans ville Soueida qui gen majorité population li ki c'est 12 dans sud pays Syrie à cause la mort 37 monde d'après ça aussi 3 syriens Douamoun, rapporté à dimanche 13 juillet 2025. Voilà, messieurs, dames, c'est ensemble que nous avons divers lots pour vous. La première parée est journal Bontas Café Show pour ce maintenant. Merci à vous-même qui avez prêté nos écoutes et attention. Toute l'équipe a été mobilisée pour le journal. Ça a été rentré la carte dans notre langue et Slipol. Nous avons fait manœuvre technique. Nous avons mis courrier pour vous informer. C'était moi-même, Donald Toussaint, avec Jean-Antoine Jérôme. Nous allons voir ensemble pour nous souhaiter vous passer une bonne journée sur Internet Radio Parole Radio Lumière. Bonne journée, Donald Toussaint. Bonne journée, Slipol. Bonne journée, Original de Lien. Journée, bon lundi, bonne journée à tout le monde. Donc, assez rendez-vous à coup demain matin, 6h, 7h. Si bon Dieu d'accord pour nous porter pour vous, bon tasse café chaud. Paola, nous allons quitter nos barres au conseil journée. Apprendre à vivre avec ça, au gagner un jour d'hier, même si les petits pour les mélovines possédés en pile pour qu'à bien gérer son gagner. Sur les anciens, continuez à prier. Et maintenant, sur Radio Lumière, la parole qui change. La parole qui change, une série d'enseignements sur les livres de la Bible avec le pasteur Serge Poteau de Calvary Chapel. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous avec vous dans l'émission La parole qui change. La parole qui change, c'est une émission qui allait à travers la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, non en chronique, chapitre 7. C'est le message donc était même toujours, la souveraineté et la fidélité de Dieu.